Und er muss auch in Jorana. Das ist nos salutations. Jorana, du fais appui, da da du mon tomari. Les jeunes et les enfants. Et Hauruatura, Jorana, du mon manini. Et encore plus, les visiteurs, recevez nos salutations sincères. Vous qui êtes là dans la maison de l'Éternel en ce jour de sabbat, merci de votre présence. Vous qui êtes là pour adorer Dieu et pour entendre sa parole. Et c'est cela même le thème de notre sermon de ce sabbat. Des preuves, n'attends tout. La parole de Dieu. Morira iroto ite Timoteo piti venetoru iroa ahurumano. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Des preuves, Paulo, te mon preuve toi ipa ehiara et mi afau mai te tuo. Paul dit ceci, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Voici la parole que Paul cite. Inspirée et sainte. La Bible est la parole de Dieu. C'est celle que Dieu a révélée à ses serviteurs. Afin que ses serviteurs, les prophètes, écrivent sa volonté. Ses désirs et qu'il les propage, qu'il les dise à son peuple. Dieu veut que son peuple observe sa parole pour leur bien-être. Dans Isaïe 48, verset 18. Il est écrit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer. Voilà ce que Dieu dit à son peuple. Si son peuple avait été attentif à ses commandements, leur bien, dans ma traduction, il est écrit « leur paix serait comme un fleuve ». De Pierre 1, verset 19. Dans 2 Pierre chapitre 1 verset 19, il est écrit: et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Pierre Pierre dit que nous avons également les paroles des prophètes et qu'il est bon de les observer et qu'elle est une lampe qui brille dans un lieu obscur et comme une étoile du matin dans nos cœurs. Voilà comment est la parole de Dieu. Elle est une lampe pour éclairer notre sortie. Pour l'amour que Dieu a envers sa créature, il a donné sa parole. Afin que tu saches quelle est la voie que tu dois suivre pour que tu vives. Et c'est cette parole qui éclairera ta voie. Lorsque nous marchons dans l'obscurité, nous ne verrons pas le trou qui se trouvera devant nous. Et il est évident que nous y tomberons. Dieu a donné sa parole comme une lampe pour nous éclairer dans l'obscurité. C'est ce que Psaume nous dit. Dans Psaume 119, verset 5, il est écrit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et au verset 130, il est écrit au verset 130, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Voilà ce que Dieu désire pour l'être humain. Sortir l'être humain de l'obscurité. Pour qu'il puisse entrer dans ce royaume de lumière. La parole de Dieu éclaire tout être humain. Elle est la seule qui nous dit et qui nous a révélé que nous avons été créés ainsi que cette terre. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et que les eaux se rassemblent en un lieu et la terre séchera. Et c'est ce qui s'est passé, la terre a été créée. Dieu a dit que les petites, les herbes et les grands arbres puissent pousser. Et cela s'est passé comme il l'a dit. Dieu a créé tout ce qu'il y a sur la terre, tout ce qui se meut pendant 6 jours. Et au 7e, il s'est reposé. Il l'a béni et l'a sanctifié ce 7e jour. Et nous y croyons. Et c'est ainsi que nous sommes ici aujourd'hui dans la maison de l'Éternel. Alors que Dieu bénisse chacun de nous qui observons ses commandements. Certains disent que la terre n'a pas été créée en 6 jours. Mais 6000 ans. Parce que c'est impossible que les cieux et la terre soient créés rien qu'en 6 jours. Cela veut dire qu'ils mettent des limites à la puissance de Dieu. Alors que nos enfants, eux, on leur enseigne que cette terre n'a pas été créée. Que l'être humain n'est pas non plus une créature. Mais qu'il descend du singe. C'est vraiment un problème pour nos jeunes. Lorsque leur professeur leur demandera d'où vient l'homme, et que l'enfant lui répondra « Dieu a créé l'être humain », il est évident qu'il aura un gros zéro. Qui a raison et qui a tort? Reste cette bataille entre les deux puissances, le bien et le mal, Jésus et Satan. Et nous sommes en plein dans ce conflit. Dieu, Jésus dit, ne crains point celui qui tue le corps. Car l'âme, il n'aura pas l'âme. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous révèle Jésus-Christ. Le seul et unique sauveur de l'être humain. Dans Jean, chapitre 5, versets 39 et 40. Il est écrit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jésus dit que la Bible parle ou le révèle. Et qu'en elle est la vie éternelle. Mais les scribes et les sacrificateurs ne veulent vraiment pas suivre Jésus. Dans Jean chapitre 14, verset 6, on lit ceci. Jésus lui-même dit ceci, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus affirme qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 3, verset 36. Nous lisons ceci, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean précise que Jésus est le Fils de Dieu et que celui qui croit en lui sera sauvé. Mais que celui qui ne croira pas en lui, il aura la colère de Dieu sur lui. Et ne verra pas la vie éternelle. Voilà pourquoi c'est dangereux pour l'être humain de ne pas aller vers Jésus. Car ils n'auront pas la vie éternelle. Cette vie est donnée sans aucun prix à payer, c'est un don. Mais nous qui croyons en lui, il est juste que nous entrions dans sa parole et que nous l'étudions. Afin de nourrir notre vie spirituelle. Pour notre vie de tous les jours, nous avons besoin de nourriture. Nous faiblissons lorsque pendant une journée nous n'avons rien à manger. Qu'en est-il si on devait jeûner une semaine ou bien un mois? Nous ne pourrions même plus nous relever. Telle est la vie également, notre vie. Telle sera également notre vie spirituelle. Voilà pourquoi le peuple de Dieu doit bien se nourrir. De cette nourriture spirituelle afin de fortifier notre vie spirituelle. Lire la Bible, prier. Afin d'avoir cette communion intime entre toi et Dieu. Pour pouvoir avoir cette force spéciale. Autrement, ta vie spirituelle connaîtra des difficultés. Dans notre vie de tous les jours, nous rencontrons des problèmes, des difficultés. Ainsi est notre vie spirituelle. Nous rencontrerons des problèmes, des difficultés à chaque instant. Et parce que notre foi est faible, plus vite alors nous chuterons. Jusqu'à abandonner la foi et mourir. Nous serons à ce moment-là comme la graine qui est tombée parmi les pierres. Il y a peu de terre. Lorsque le soleil brille et que surviennent les problèmes et les difficultés, vite, elle meurt. Ou cette plante qui est tombée dans l'herbe, elle est étouffée par l'herbe, par les désirs des choses insensées de ce monde. Voilà pourquoi Jean dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 15. Un Jean 2, verset 15, il est écrit: n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Voilà pourquoi l'ennemi est là, il reste proche de nous. Tel un lion qui cherche à dévorer. Et c'est ce que Pierre nous dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Il dit ceci, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. L'ennemi ne ménagera pas la proie qu'il aura. Plus encore ceux qui chuteront dans leur foi. Ils seront la proie idéale pour l'ennemi. La parole de Dieu est une protection pour chacun de nous. Elle est aussi une arme que Paul cite. Dans Éphésiens, chapitre 6, verset 11. Éphésiens 6, verset 11, où il est écrit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Le diable utilise des arguments dur et fort. Il est fort, voilà pourquoi on le fait ressembler à un lion. Nous ne pourrons pas tenir contre lui avec nos propres forces. Nous serons déjà avalés. Mais parce que nous sommes unis à notre Christ, alors toutes choses seront bonnes pour toi. Tu pourras tenir ferme contre ses ennemis et contre ses grands lions, quel que soit leur nombre. À ta vue, ils trembleront de frayeur. Parce qu'ils verront Jésus sur toi. Lorsque les démons voient Jésus, quel que soit leur grand nombre, que ce soit une troupe entière, une légion, ils viendront se prosterner aux pieds de Jésus avec crainte. C'est ce que Marc nous dit dans Marc chapitre 5 verset 6, 7, 9 et 12. Au verset 6, il est écrit, il vit Jésus de loin, accouru, se prosterna devant lui, et au verset 7, il s'écria d'une voix forte et dit, que me veux-tu, Jésus, Fils du Très-Haut, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Au verset 9, et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et au verset 12, les démons supplièrent Jésus en disant, envoie-nous dans ces troupeaux, dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Ils se prosternent devant Jésus. Ces démons supplient en même temps Jésus de les envoyer dans les ports qui étaient là. Jésus lui demande, mais quel est ton nom? Il répondit, Légion est mon nom, car nous sommes plusieurs. Dans l'armée romaine du temps de Jésus, dans une légion, il y avait 6000 soldats. C'est une troupe énorme de Satan. 6000 démons. Six mille démons qui tremblent de peur devant Jésus. Et ils supplient Jésus. Ils savent quelle est la puissance et la force qu'il y a en Jésus. Voilà pourquoi, si tu restes uni à Jésus, tu n'as pas encore combattu l'ennemi que déjà cet ennemi est battu. Voilà pourquoi nous allons vers Jésus, car il est bon que nous le fassions. Mais Jésus dit ceci dans Jean chapitre 14, verset 23. Amen. Jésus dit ceci. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. L'homme chez qui Dieu habite est une personne extraordinaire. Car ce sera un homme heureux, ayant une famille heureuse également et paisible. Et tout cela, pourquoi? Tout simplement parce qu'il garde les commandements de Dieu. Et merci de nous avoir entendus.